Audiomatique. Thank you. C'est sur la musique de la formation de Future Sound of London que s'ouvrait la transmission 475 d'Audiomatic. De l'album Life in Moments, paru en 2015, nous écoutions la composition Taken Leave of All Senses. Et maintenant, c'est au tour du collectif canadien Broken Social Scene d'assurer la continuité à Audiomatic. We'll be right back. Nous avions droit à Audiomatic, à la formation italienne Winter Severity Index, de son premier album Slanting Ray, paru en 2014. Nous vous avons présenté la pièce Bianca. Précédemment à Winter Severity Index, et ce qui amorçait par le fait même cette séquence, était le collectif canadien Broken Social Scene, de l'album Beehives, sorti en 2004 et qui regroupe des B-sides tirés du deuxième album de Broken Social Scene, You Forgot It and People. Nous entendions la chanson Backyards, sur laquelle on peut entendre la chanteuse Emily Haynes, également membre du groupe Matrix. Et allons-y maintenant avec une pièce du groupe KMFDM.

Audiomatique, nous entendions Dubcon, mené conjointement par les artistes Kevin Key de la formation Skinny Puppy et Ryan Moore du projet Twilight Circus. Du premier album de Dubcon, intitulé UFO on the Gullyside, publié en 2013, nous écoutions la pièce Project Sign. Avant cela, nous écoutions la pièce titre de l'album Paradise du groupe KMFDM. Cet album est sorti en 2019. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le Miguel Atwood Ferguson Ensemble. Thank you.

C'était à Audiomatic le Miguel Atwood Ferguson Ensemble, accompagné de Flying Lotus, qui nous interprétait les pièces Drips et Take Notice, qui ont été enregistrées en concert le 23 juillet 2010 au California Plaza lors de l'événement Grand Performances. Nous terminerons cette transmission d'Audiomatic sur la musique du projet péruvien Caru Machai. La pièce Primera Semilla apparaît sur l'album Marcha por la Cosecha, publié en cassette par l'étiquette trifluvienne Les Cassettes Magiques. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Caru Machai et sa pièce Primera Semilla. C'était Audiomatic avec les Sonoristes.